Le lendemain matin, 1er janvier 1820, la terreur flagrante à laquelle la mère et la fille étaient en proie leur suggéra la plus naturelle des excuses pour ne pas venir solennellement dans la chambre de Grandet. L'hiver de 1819 à 1820 fut l'un des plus rigoureux de l'époque. La neige encombrait les toits. « Eugénie !» cria la bonne mère. « Je ne sais pas sur quel côté ton père a dormi, mais il est bonhomme ce matin. Bah, nous en tirerons !» Le secret de cette joie était dans une entière réussite de la spéculation de Grandet. Il gagnait, depuis 2 mois, 12% sur ses capitaux. La famille ne déjeuna qu'à 10 heures. « Oh, tout cela !» dit Grandet à Nanon, quand vers 11 heures, le déjeuner fut achevé. « Mais laisse-nous la table, nous serons plus à l'aise pour voir ton petit trésor, » dit-il en regardant Eugénie. « Écoute, Eugénie, il faut que tu me donnes ton or. Il se présente une belle occasion, tu peux mettre tes 6 000 francs dans le gouvernement. » « Je n'ai plus mon or. »« Tu n'as plus ton or ?» s'écria Grandet, en se dressant sur ses jarrets comme un cheval qui entend tirer le canon à 10 pas de lui. « Non, je ne l'ai plus. »« Tu te trompes, Eugénie. »« Non. » « Où est votre or ?»« Mon père, je vous aime et vous respecte, malgré votre colère. Mais je vous ferai fort humblement observer que j'ai 22 ans. Vous m'avez assez souvent dit que je suis majeur pour que je le sache. J'ai fait de mon argent ce qu'il m'a plu d'en faire. Et soyez sûr qu'il est bien placé. »« Où ?»« C'est un secret inviolable, dit-elle. N'avez-vous pas vos secrets ? Ne suis-je pas le chef de ma famille ? Ne puis-je avoir mes affaires ? C'est aussi mon affaire. Cette affaire doit être mauvaise si vous ne pouvez pas la dire à votre père, mademoiselle Grandet. » « Elle est excellente, et je ne puis pas la dire à mon père. »« Au moins, quand avez-vous donné votre or ?» Eugénie fit un signe de tête négatif. « Vous l'avez encore le jour de votre fête, hein ?» Eugénie, devenue aussi rusée par amour que son père l'était par avarice, réitéra le même signe de tête. « Mais elle n'a jamais vu pareil entêtement, ni vol pareil !» dit Grandet d'une voix qui alla crescendo et fit graduellement retentir la maison. « Comment ? Ici, dans ma propre maison, chez moi, quelqu'un aura pris ton or ?» Le seul or qu'il y avait, et je ne saurais pas qui. L'or est une chose chère. Les plus honnêtes filles peuvent faire des fautes, donner je ne sais quoi. Cela se voit chez les grands seigneurs et même chez les bourgeois. Mais donner de l'or, car vous l'avez donné à quelqu'un, hein ? Eugénie fut impassible. A-t-on vu pareille fille ? Est-ce moi qui suis votre père ? Si vous l'avez placé, vous en avez un reçu. Étais-je libre, oui ou non, d'en faire ce que bon me semblait ? Était-ce à moi ? Mais tu es un enfant. « Majeur !» Abasourdi, par la logique de sa fille, Grandet pâlit. Trépigna, jura, puis, trouvant enfin des paroles, il cria. « Maudit serpent de fille ! Ah, mauvaise graine ! Tu sais bien que je t'aime et tu en abuses. Elle égorge son père !»« Je ne peux pas te déshériter, nom d'un tonneau, mais je te maudis, toi, ton cousin et tes enfants. Tu ne verras jamais rien arriver de bon de tout cela. Entends-tu ? Si c'était à Charles que... »« Mais non, ce n'est pas possible !»« Quoi ? Ce méchant Mirliflor m'aurait dévalisé. » Il regarda sa fille, qui restait muette et froide. « Elle ne bougera pas, elle ne sourcillera pas, elle est plus Grandet que je ne suis Grandet. Allez dans votre chambre, vous y demeurerez jusqu'à ce que je vous permette d'en sortir. Nanon vous y portera du pain et de l'eau. Vous m'avez entendu ? Marchez !» Eugénie fondit en larmes et se sauva près de sa mère. « Console-toi, ma pauvre enfant, ton père s'apaisera. »« Elle n'a plus de père, » dit le tonnelier. « Est-ce bien vous et moi, madame Grandet, qui avons fait une fille désobéissante, comme elle est celle-là ? Jolie éducation, et religieuse surtout. Eh bien, vous n'êtes pas dans votre chambre. Allons, en prison, mademoiselle. »« Voulez-vous me priver de ma fille, monsieur ?» dit madame Grandet, en montrant un visage rougi par la fièvre. « Si vous la voulez garder, apportez-la. Videz-moi toute de la maison. »« Tonnerre ! Où est l'or ? Qu'est devenu l'or ?» Eugénie se leva, lança un regard d'orgueil sur son père, il rentra dans sa chambre, à laquelle le bonhomme donna un tour de clé. « Nanon » cria-t-il, « éteins le feu de la salle !» Et il vint s'asseoir sur un fauteuil, au coin de la cheminée de sa femme, en lui disant « Elle l'a donné sans doute à ce misérable séducteur de Charles qui n'en voulait qu'à notre argent. »